Le singe de Alphonse Daudet 1872. Samedi, soir de paye. Dans cette fin de journée qui est en même temps une fin de semaine, on sent déjà le dimanche arriver. Tout le long du faubourg, ce sont des cris, des appels, des poussées à la porte des cabarets. Parmi cette foule d'ouvriers qui déborde du trottoir et suit la grande chaussée en pente, une petite ombre se hâte furtivement, remontant le faubourg en sens inverse. Serrée dans un châle trop mince, sa petite figure hâve encadrée d'un bonnet trop grand, elle a l'air honteux, misérable et si inquiet. Où va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle cherche? Dans sa démarche pressée, dans son regard fixe qui semble la faire aller plus vite encore, il y a cette phrase anxieuse. « Pourvu que j'arrive à temps. » Sur sa route, on se retourne, on ricane. Tous ses ouvriers la connaissent et en passant accueillent sa laideur d'un affreux surnom. Tiens le singe à Valentin qui va chercher son homme. Et il l'excite. Trouvera, trouvera pas. Sans rien entendre, elle va, oppressée, haletante, car cette rue qui mène aux barrières est bien dure à monter. Enfin la voilà arrivée. C'est tout en haut du faubourg, au coin des boulevards extérieurs. Une grande usine. On est en train de fermer les portes. La vapeur des machines, abandonnées au ruisseau, siffle et s'échappe avec un bruit de locomotive à l'arrêt. Un peu de fumée monte encore des hautes cheminées, et l'atmosphère chaude, qui flotte au-dessus des bâtiments déserts, semble la respiration, l'haleine même du travail qui vient de finir. Tout est éteint. Une seule petite lumière brille encore au rez-de-chaussée, derrière un grillage. C'est la lampe du caissier. Voici qu'elle disparaît juste au moment où la femme arrive. Allons, c'est trop tard, la paye est finie. Comment va-t-elle faire maintenant? Où le trouver pour lui arracher sa semaine, l'empêcher de la boire? On a tant besoin d'argent à la maison. Les enfants n'ont plus de bas. Le boulanger n'est pas payé. Elle reste affaissée sur une borne, regardant vaguement dans la nuit, n'ayant plus la force de bouger. Les cabarets du faubourg débordent de bruit et de lumière. Toute la vie des fabriques silencieuses s'est répandue dans les bouges. À travers les vitres troubles où les bouteilles rangées mêlent leurs couleurs fausses, le vert vénéneux des absinthes, le rose des bitters, les paillettes d'or des eaux-de-vie de Dantzig, des cris, des chants, des chocs de verre viennent jusque dans la rue avec le tintement de l'argent jeté au comptoir par des mains noires encore, de l'avoir gagné. Les bras lassés s'accoudent sur les tables, immobilisés par l'abrutissement de la fatigue. Et dans la chaleur malsaine de l'endroit, tous ces misérables oublient qu'il n'y a pas de feu au logis et que les femmes et les enfants ont froid. Devant ces fenêtres basses, seules allumées dans les rues désertes, une petite ombre passe et repasse craintivement. Cherche, cherche, pauvre singe. Elle va d'un cabaret à l'autre, se penche, essuie un coin de vitre avec son châle, regarde puis repart, toujours inquiète, fiévreuse. Tout à coup elle tressaille. Son Valentin est là, en face d'elle. Un grand diable bien découpé dans sa blouse blanche, fier de ses cheveux frisés et de sa tournure d'ouvrier beau garçon. On l'entoure, on l'écoute. Il parle si bien. Et puis c'est lui qui paye. Pendant ce temps, le pauvre singe est là dehors qui grelotte, collant sa figure au carreau où dans un grand rayon de gaz, la table de son ivrogne se reflète, chargée de bouteilles et de verres, avec les faces égayées qui l'entourent. Dans la vitre, la femme a l'air d'être assise au milieu d'eux, comme un reproche, un remords vivant. Mais Valentin ne la voit pas. Pris, perdu dans ses interminables discussions de cabaret, renouvelées à chaque verre, et pernicieuse pour la raison presque autant que ses vins frelatés, il ne voit pas cette petite mine tirée, pâle, qui lui fait signe derrière les carreaux, ses yeux tristes qui cherchent les siens. Elle, de son côté, n'ose pas entrer. Venir le chercher là, devant les camarades, ce serait lui faire affront. Encore si elle était jolie, mais elle est si laide. Ah, comme elle était fraîche et gentille quand ils se sont connus il y a 10 ans. Tous les matins, lorsqu'il partait à son travail, il la rencontrait allant au sien, pauvre mais parant honnêtement sa misère, coquette à la façon de cet étrange Paris où l'on vend des rubans et des fleurs sous les voûtes noires des portes cochères. Ils se sont aimés tout de suite en croisant leurs regards. Mais comme ils n'avaient pas d'argent, il leur a fallu attendre bien longtemps avant de se marier. Enfin, la mère du garçon a donné un matelas de son lit. La mère de la fille en a fait autant. Et puis, comme la petite était très aimée, il y a eu une collecte à l'atelier, et leur ménage s'est trouvé monté. La robe de noces prêtée par une amie, le voile loué chez un coiffeur, ils sont partis un matin à pied par les rues pour se marier. À l'église, il fallut attendre la fin des messes d'enterrement, attendre aussi à la mairie pour laisser passer les mariages riches. Alors, il l'a emmenée en haut du faubourg, dans une chambre carrelée et triste, au fond d'un long couloir plein d'autres chambres bruyantes, sales, querelleuses. C'était à dégoûter d'avance du ménage. Aussi, leur bonheur n'a pas duré longtemps. À force de vivre avec des ivrognes, lui s'est mis à boire comme eux. Elle, en voyant pleurer les femmes, a perdu tout son courage. Et pendant qu'il était au cabaret, elle passait tout son temps chez les voisines, apathique, humiliée, berçant d'interminables plaintes l'enfant qu'elle tenait sur ses bras. C'est comme cela qu'elle est devenue si laide et que cet affreux surnom de singe lui a été donné dans les ateliers. La petite ombre est toujours là, qui va et vient devant les vitres. On l'entend marcher lentement dans la boue du trottoir et tousser d'une grosse toux creuse car la soirée est pluvieuse et froide. Combien de temps va-t-elle attendre? 2 ou 3 fois déjà, elle a posé la main sur le bouton de la porte, mais sans oser jamais ouvrir. À la fin pourtant, l'idée que les enfants n'ont rien pour manger lui tient lieu de courage. Elle entre. Mais à peine le seuil franchi, un immense éclat de rire l'arrête court. « Eh, Valentin, v'là le singe !» Elle est bien laide, en effet, avec ses loques qui ruissellent de pluie, toutes les pâleurs de l'attente et de la fatigue sur les joues. « Valentin, v'là le singe !» Tremblante, interdite, la pauvre femme reste sans bouger. Lui s'est levé, furieux. « Comment ? Elle a osé venir le chercher là ? L'humilier devant les camarades ? Attends, attends, tu vas voir !» Et terrible, le poing fermé, Valentin s'élance. La malheureuse se sauve en courant, au milieu des huées. Il franchit la porte derrière elle, fait 2 bonds et la rattrape au tournant de la rue. Tout est noir, personne ne passe. Ah, pauvre singe! Eh bien, non. Loin des camarades, l'ouvrier parisien n'est pas méchant. Une fois en face d'elle, le voilà faible, soumis, presque repentant. Maintenant, ils s'en vont tous deux, bras dessus, bras dessous. Et pendant qu'ils s'éloignent, c'est la voix de la femme qu'on entend s'élever dans la nuit, furieuse, plaintive, enrouée de larmes. Le singe prend sa revanche.